une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Vald. C'est toute la semaine et c'est la deuxième soirée avec Vald, comment va? Ça va pour le mieux. Ouais, c'est vrai? Ouais, ça fait plaisir. La journée est bien passée? Franchement, ouais, on est la veille de Noël et tout. C'est vrai. J'ai acheté les cadeaux aussi, si. Demain, ce sera le réveillon. T'as prévu quoi, toi, demain pour le réveillon, Vald? De manger avec ma famille. C'est bien. Et de leur faire des bisous. Beaucoup de cadeaux, beaucoup d'amour? Surtout beaucoup d'amour, parce que les cadeaux, c'est pour un budget, quoi. Après, l'amour, c'est gratuit. Ça va, là, pour l'instant, le projet qui est sorti? Ouais, bien sûr. Non, ça fait très plaisir, le projet est sorti. Ça se vend plutôt pas mal sur iTunes. Ça continue? Ça continue aussi sur Google Play. Ça peut être un beau cadeau, les cadeaux de dernière minute, tiens, par exemple. Tout à fait. Tu le conseilles? C'est un excellent cadeau pour les fanatiques de rap. Voilà, c'est du bon rap, c'est carré, on se fout pas de la gueule du monde. Attention les mecs. Ça s'appelle NQNT. Tout à fait. Que tu traduis par? Par ni queue ni tête. Pardon. Ni queue ni tête. Tout à fait. Par NQNT en fait. Ouais, j'ai oublié le truc de base. Ni queue ni tête. Si vous aussi vous avez votre définition de NQNT, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Hein. Il peut y avoir plusieurs définitions possibles. Même si on a qu'une. Il y en a qu'une, mais. Il y en a qu'une, mais. Mais qui sait? Parce que. Celui qui donnera la meilleure. C'est vrai. On a lancé ça hier. Continuez à donner votre définition aussi. NQNT avec Vald, notre invité. Présente-nous un petit peu les gens qui sont autour de toi, Vald. Avec moi, j'ai Succo Blazadé avec une casquette totalement roots. Et un casque aussi totalement roots. J'ai mon gars. C'est vrai que le casque est roots. Le casque est très marrant. Il va avec la casquette en fait. Tout est raccord. J'ai mon gars INCH qui est à ma droite. À la fois beatmaker et DJ. Succo Blazadé qui est à la fois MC Jenny et backer officiel de VALD. MC Jenny, putain. Quel titre, non, quel titre honorifique. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. J'étais pas prêt. Dans le fond, on voit le meilleur beatmaker de sa génération. Vous connaissez pas les noms parce qu'on en a rien à foutre de se mettre en avant, mais putain les mecs, qu'est-ce qu'ils vous envoient dans les dents, vous en rendez même pas compte. À sa droite, il y a à sa gauche d'ailleurs, c'est à ma droite, Christophe, mon gars fou, ma street cred. Croc et Madani, on est tous ensemble, voilà. Ça me fait très plaisir que vous soyez là. Et il y aura du live tout à l'heure à pas louper avec Vald entre 20 et 21. Là, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission, c'est le replay de la veille. Tout à fait. Skyrock, remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. Vald et son projet NQNT. Je me disais, comme c'est la semaine de Noël, viens faire un cadeau aux gens et on parle pas trop. Et au lieu de se présenter avec des longues phrases, on rappe Merry Christmas. Skyrock, j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Skyrock, j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Skyrock, j'ai dit bonsoir. Bonsoir. J'ai mille doutes. Caché tellement de choses derrière ETC. Le CB ment à personne à part à se peiner. T'as l'air apeuré de la lever ta main pour Sullivan. Dans mes cauchemars, je fais des rêves où j'ai de la bonne foi sous les veines. Je demande de rester poli si j'horrifie vos iris aussi vite. Au mi-X, je te sollicite, glorifie sur mes faux vinyles. Si je rigole quand tout va mal, c'est mon lube. Si je dis que c'est ma faute tout ça, c'est mon lube. Alors tu fais chier ma chérie, c'est mon lube. Pas question de zup toute la nuit, sans mon lube. Vers poil, je suis laminé, laminaire et presque calibré. Je suis fatigué de m'agiter entre panique et fiscalité. Marqué par toutes ces heures enfoncées dans mon canapé. Harassé, je suis fascinant, façonné, façon arraché. Ça me chagrine, mais je vous emmerde tous à parler fou. Je suis rebelle, mais je m'en bats les couilles. Fais ta vie, mais prends pas mes sous. D'où nous vient ce nom, Vald? Parce qu'à un moment, il y avait une application qui s'appelait MSN. Et fallait une adresse. Ah. Ouais. Et du coup, j'ai rentré mon prénom, mais ça marchait pas. Et le mec, il m'a donné Vald. C'est quoi ton prénom? Je m'appelle Valentin, MC Valentin. Tous les Valentins qui rappent. Ah, c'est gaze. Même moi, je savais pas que tu savais pas qui s'appelait Valentin. Sully, VA, LD. Putain, je suis pas bien, je vais me remettre au stèle. Je perds des potes qui, comme ta chasteté, sont pas des grosses perles. Les mecs, faudrait faire chose qu'elle. Ma mère m'engueule en gospel. Les rappeurs tapent des post game. Michael Myers sur mes posters. The Fabroli qui est synchronisé. La fusion de gros proli métropolisé avec Freezer alcoolisé. Je suis pas un fils de pute de smiley, stylé. Fils de pute qui disent que je suis un fils de pute de smiley. Je suis pas un fils de pute de smiley, stylé. Fils de pute qui disent que je suis un fils de pute de smiley. NQNT pour ni queue ni tête. Ni queue ni tête. Tout à fait. Voilà, on va lancer d'ailleurs. Si vous avez d'autres idées pour NQNT, n'hésitez pas à nous les balancer. Hein. 41 759. Il gagne quoi celui qui a le meilleur? Ah bah NQNT. Ça, c'est à vous de décider. Hein. Bon, il pourra s'en targuer. Ouais. Il pourra s'en vanter. Le trophée sera décerné en fin de semaine. Planet Rap. C'est fini. Mes rêves sinistres me définissent. NQNT, ça des fenêtres, même les décès cliniques. Pas de BR sur mes blinis. Flûte, le teint livide, faut que je m'affilie. Au peu qui porte pas de bikini. Je défouraille le temps avec des choses qui tuent les mœurs. Crever, c'est la plus dure épreuve. Tu te sais comme bien trop bizarre. Autour de moi, les gens sont blessés. Comme baisés par ton rilane. Oh! Je suis le maire de King Kong dans du papier journal. J'y vous le fais ding dong. T'ouvres la porte et tout pâle. Tu vois le truc, tu dis non. Putain, faut que j'étouffe ça. J'y vous le pied behind. T'as les souliers tout sales. On voit Wald, ensuite Goldman Sachs. Et puis loin derrière Obama. En une prise, c'est dans la boîte, jury. Quand t'as bois, shoot un ministre. Mais si tu vois mal, tout le temps la même chose. Tu fais rien, mais tu te reposes, t'abandonnes. Chacun de tes G-Pro, t'attends patiemment la nécrose. Arrête les bédos, les restos, kebab, les mots sur les dos de pétasse. Tu fais la déco, dégage, t'es bien dans le métro, mec. Jour après jour, t'es de plus en plus mou. T'as l'impression d'être inutile et encore plus quand tu joues du coup. Incroyable ce qui s'est passé. Les lives d'hier soir. Oh, c'était vraiment une journée de fou. Oh, c'était le feu, dis-moi. Bah ouais, entendu ça. Ouais, fallait rentrer en matière, quoi. C'est-à-dire qu'on va pas parler pour rien. Même en réécoutant, tu te demandes si c'est toi d'ailleurs. Bah ouais, je présent. Trouve que je suis assez fier de ma performance. On se demande d'ailleurs en réécoutant, est-ce que c'était Vald? Oui, c'était lui. J'ai un doute, mais j'ai quand même des certitudes. Bon, le projet s'appelle NQNT à découvrir cette semaine entre 20 et 21. Il est dispo, hein. Ce projet de Vald, si vous l'avez, tiens, dites-nous vos morceaux préférés, vous l'envoyez 41759. Tout à fait. Et s'il y a la version physique, ça intéresse des gens, venez sur le site VLDTV, il me reste quelques copies. Allez-y, et le hashtag pour agir c'est Vald sur Skyrock. On va débuter comme chaque soir avec un morceau Vite Cochon. Vas-y, on se fait un live de Vite Cochon, régalons-nous. Ah, pas de live, le morceau. Attends, j'ai pas compris de quoi on parle. De ton morceau qu'on va mettre extrait de ton album Vite Cochon. Ah, mais viens, je te le fais en live au lieu de l'écouter. Tu le feras tout à l'heure, tu le fais tout à l'heure. Ah, on le fait deux fois. En fait. Bah oui, tu le feras en fin d'émission. Si, si, mais est-ce qu'on l'a quelque part aussi alors dans ce cas? Écoute. Ah ouais, vous êtes lourd. Tu vois? Putain, Skyrock, ça gueule rien. Attends. On m'entend par-dessus le morceau ou pas? Ouais. Si, si. C'est Vald, notre invité toute la semaine dans Planète Rap. Si ta culture, c'est le port. Non, tu te détruis, bouffe comme un porc. Gros, bande sur détruit, j'ai la bonne. Close à enfiler dans ton groin. Viens enquiller dans mon coin. C'est la boucherie des jambons. Tire un trait pour ta vie de cochon. Tire en deux pour ta vie de cochon. Bouffe une queue pour ta vie de cochon. Vide un verre, roule un terre. Appelle-moi vie de cochon. C'est la fête. Mon dernier neurone s'est barré. J'ai fini le stock. Depuis que nous nous sommes séparés, je baise la nounou, c'est mamelle. M'applaudit, c'est gravel. Rap sa vie, bof. Alors que je la monte sur l'étagère. Si j'amène mon pote Christophe et que t'as une chatte, dis pas merci, ma belle. Et attends l'épilogue. Je bouffe comme un porc, fourre comme un tchou. Tout ce qui m'importe, c'est pouvoir fourrer mes deux boules dans ta gorge fine. Ouais, les filles de joie si peu malines m'attendrissent. Je m'endors plus tranquille le soir où les vipères m'envahissent. Où je deviens parano, donc fais des tours lentalgiques. Où je t'envoie à la main. Apparemment, si j'ai peu d'amis, c'est rien. Ça en fait moins à partager sur mon spark qui s'éteint. Dans mon navire, j'ai plein de loisirs à foutre à l'eau. Mais dès lors, je coule à l'or. Si ta culture, c'est le porc. Non, tu te détruis, bouffe comme un porc. Gros, bande sur détruit, j'ai la bonne. Dose, enfiler dans ton groin, viens enquiller dans mon coin. C'est la boucherie des jambons. Cette génération m'a rendu malsain. Mat que j'ai 4-1 dans l'esprit quand j'en tape 5, je suis v'là le bingue. Je vais méditer quand t'auras besoin. J'écoute tes problèmes dont j'ai pas besoin, c'est vérifié. On parle de rien sauf de drogue, de corps qu'on mutile, de bord dans les loges, bon, donc de musique. Et c'est con, je te l'accorde, j'avoue tristement. C'est pas l'homme qui prend la tease. Dans la tease, le prend. On pactise le vendredi soir avec les porcs. Jusqu'au vendredi d'après, tant que la zeb est bonne. Mes super junkies marquent le démon. Vite comme une bulle d'air meurtrie par le béton. Et je vais pas me lever tôt, mais ça tu le savais déjà. Toujours à chlasser des chats, tu grondé par le veto. Ok, la corde au cou, les vivants pleurent beaucoup. Mais est-ce que les morts roucoulent, hein? Si ta culture c'est le porc. Non, tu te détruis, bouffe comme un porc. Gros, bande sur détruit, j'ai la bonne. L'autre a enfilé dans ton groin. Viens enquiller dans mon coin, c'est la boucherie des jambons. Tire un trait pour ta vie de cochon. Tire en deux pour ta vie de cochon. bouffe. Bouffe une queue pour ta vie de cochonne. Vise un verre ou l'inter. Appelle-moi vite cochon. Non, je veux pas vous vexer. Vexé moral, sexe, dommage de s'excuser d'être un excellent schlag. Cesse de penser que c'est bon tant que tu prends pas de cesse. Fais ce que tu penses être bon, mais surtout ferme tes fesses. Non, je veux pas vous vexer. Vexé moral, sexe, dommage de s'excuser d'être un excellent schlag. Cesse de penser que c'est bon tant que tu prends pas de cesse. Fais ce que tu penses être bon, mais surtout ferme tes fesses. BBP sur cette foutue oui. Prod. BLD, cousin. J'espère que vous aurez dit. C'est pour ça que vous avez lâché la religion. Si ta culture, c'est le port. No. Tu détruis, prouve comme un porc. Bro. Bande sur détruit, j'ai la bonne. D'autres à enfiler dans ton coin. Viens enquiller dans mon coin. C'est la boucherie des jambons. Bang. Tire un trait pour ta vie de cochon. Tire. Tire-en deux pour ta vie de cochon. Bouffe. Bouffe une queue pour ta vie de cochon. Vide un verre, roule un terre. Appelle-moi vie de cochon. Vite cochon à l'instant, c'est extrait du projet NQNT de Val, notre invité toute la semaine entre 20 et 21 sur Skyrock. Alors on va parler évidemment un petit peu de ton parcours puisqu'hier on l'a abordé, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de live hier soir dans l'émission. Tout à fait. Donc rappelons pour les gens qui vont découvrir ce soir, là juste avant les fêtes de Noël, qui se disent ah tiens quel album je pourrais acheter. NQNT. NQNT, celui de Val. Tout à fait. Mais comment on arrive à NQNT? Comment petit CV express. Alors faut aller sur YouTube, faut taper VALD, faire entrée et CV. CV direct live. T'as alors, pas compris la question en non, fait. Non, mais c'est, je parlais pour les gens qui n'écoutent que la radio, qui n'ont pas accès tout de suite à Internet. Ah, ok. Tu vois, regarde, ne frustre pas les gens qui sont là en train de dire merde. Effectivement, putain, effectivement. J'ai pas YouTube. Ouais. Alors, je suis un rappeur blanc et blond. Et c'est alors, clivant. Ça, est-ce que c'est un problème? Non, c'est une caractéristique. Ouais, en réalité, c'est une propriété plus qu'un problème. Après, je chante vite cochon en même temps, ça va. Ouais, tout à fait. Après, j'ai bon cœur avec mes frères muses. J'ai beaucoup d'affection pour eux et tout ça. Et vraiment. Cependant, j'ai sorti deux mixtapes, NQNT, MQMQMB, ainsi que cours de rattrapage, que je suis en train de remasteriser. En fait, là, on est en train de les presser, là, pour tout dire. Et voilà mon parcours. J'ai sorti NQNT très récemment. Tu viens sur iTunes et Google Play, tout à fait. Tu viens du 9-3, Aulnay-sous-Bois au bois. Tout à fait, 93. D'ailleurs, il y a un morceau où tu évoques ta ville dans ce projet. Exactement. Qu'on pourra peut-être écouter dans la semaine. Qu'on pourra peut-être même faire en live aujourd'hui. Ou faire en live aujourd'hui, comme tu le sens, hein, tout à l'heure, tu choisiras. Mais le rap, ce qui t'a mis dedans, toi, hein. Le rap qui m'a mis dedans, c'est l'ennui, l'oisiveté. Et l'oisiveté ne mène qu'à des péchés. Du coup, j'ai fait du rap. À quel âge? J'avais 17 ans, comme Booba. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Attends, j'avais 17 ans quand j'ai commencé à faire du rap comme Booba. Ça veut dire qu'une belle carrière t'attend, tu vas lancer des fringues, tu vas lancer un parfum peut-être? Ouais, bien sûr, je suis en train de racheter drogue là. Ça c'est la marque de fringues, ouais. Ouais. Et le parfum, alors, à quelle senteur de drogue quand tu le lanceras d'ici une dizaine, quinzaine d'années? Je ne sais pas. Je ferais que là, tu me prends un peu de cours. Tu penses déjà au flacon, parce que par exemple, on pense à Booba, il a mis une grenade. Ouais, moi, ce serait un sachet. Un sachet de drogue, évidemment. Non, un sachet. Et de parfum de drogue. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, on va attendre, ce sera dans les projets futurs de Val, notre invité, entre 20 et 21. Et pour mieux découvrir Val, c'est aussi passer des morceaux. Qu'est-ce qu'on passe, Val? Alors, ça dépend. Est-ce qu'on a le temps de passer que deux morceaux et après faire les lives ou pas? Mais on a... À toi de me dire. Détends-toi, tout va bien, on a à peine commencé l'émission, là. Ouais, mais... On a tout le temps, ce soir. Mais c'est que... Vas-y. Repassons vite cochon. Si on se passait tout un son toute la semaine. Ouais, c'est ça, en fait. À chaque fois qu'elle me parle, je pense qu'on pourrait passer partout à Tis. Partout à Tis. Ouais, je pense que c'est bien. Ça, c'est les racines gauloises, évidemment, qui reparlent. Qui tout ce qui est Astérix. Tout ce qui est Astérix, ouais. Ouais, tout à fait. On balance le morceau. Passons pas le morceau. Allez, partout à Tis, c'est Val, notre invité toute la semaine. Black Brand à la prod. Mais. Chalon se voit un jour, Black Brand. Je t'oublie pas. Jamais. Qu'on blase. Hein? Reste fort. T'es resté fort, mon gros. Toujours. Oui. BBP, Dollar, INCH. BBP. Natal, ROC, Giorgio, DF, Bazou, Rabakar, Screech, Goon, Jarod, Will Sketch, l'animalerie, tout le monde, tous ces gens, Sirius, le virus le plus sérieux. Le plus sérieux de tous. Je fais pas de zik, pédophile satanique pour le Zeyo. Juste au cas où le très haut rapplique, m'explique qu'il existe et que mes côtes vont plaire au cabot. De l'enfer à jamais, de l'enfer, j'en ramène, c'est mes rimes, j'te jure, ça ranime. Même ta mamie, ça va vite, ça fait val des bim. La fuite vaginale à la rive, c'est la vie. Serre, chaque anniversaire, j'ai de nouveaux MC pour mon dessert. J'vais finir au baisse des vidéos de teint aigri des autres mecs, comme un ovaire féministe. Vous me faites plus rêver, ça m'énerve, j'aimais bien. Bien sûr que j'aimais bien, c'est Gus qui me parle et de rien, de pute et de bien. Bien, plus que de bien, oui, de bif qui se gagne. réel dans des districts mystiques. À l'heure où les villes s'y se battaient pour des sixies, chargé que j'ai la peau d'un mec né dans les sixties. Oui fils de pute, c'est moi caché, donc tu vas tâcher. Bien faire gaffe à ta moustache et pas me fâcher. Ou ton polo tapette, je vais le tâcher. T'aspèche, sors le bourbon, j'arrive. Non mais bougeons de prêche. Je braque les fourgons de la brique. Savez-vous qu'on pèse tout. Ma clique passe là, faut le cri de joie, barre, tout t'attise pas, barre. Ma clique passe là, faut le cri de joie, barre, tout t'attise pas, barre, tout t'attise. Sors le bourbon, j'arrive. Non mais bourgeon de trêve, je braque les fourgons de la rue. Bang bang, savez-vous qu'on pèse tout. Barre, ma clique passe là, faut le cri de joie, barre, tout t'attise pas, barre. Ma clique passe là, faut le cri de joie, barre, tout t'attise pas, barre, tout t'attise. VLD sur ce putain de Skyrock. Okidoki, Zogin, Vorim, vos stylos Big Morve. Flody, Mandy, vos stylos Mic, j'ai le stylo Big Orve. Je ramène la paix comme une bombe nucléaire. Maçon sur mes nerfs, niaxon sur mes lèvres. Chaque seconde j'évolue, car dans le bulletex j'ai mis l'uranium. Quand je postillonne, je casse trop nuquetet. Bang, trop nuquetet. Bang, trop nuquetet. Je casse trop nuquetet. Bang, bang. Je fais le don du décès à chaque strophe. Bang, bang, bang, bang, bang. Je tombe à custom. Je vis dans un film érotique où les figurantes s'excitent même plus correctement. C'est le bordel, je te mens pas. Faudrait que tu vois ces beats. J'ai mis pour un modèle de mon troupe. C'est le suicide à la fin du sursis. Survivre, c'est mon premier succès. Je crume sec pour soigner mon ulcère. Shootir du bif à l'industrie. Super, Sullivan. Corps sévère, corse sévère. Chope tes pères, c'est tes goals. Dégger, je l'ai fait ken par des Rottweiler. Quand leur sang croit, je connais gore. C'est le rap pas mal et j'ai pas le remède. Oui, toutes ces putes dans du barbelé. Ouais, c'est sûr, c'est de là à peu près. Mais c'est pas le problème. Sullivan, Rottweiler. Sors le bourbon, j'arrive. Non mais bougeons de trêve. Je braque les fourgons de la brique. Savez-vous qu'on pèse tout. Ma clique passe là, faut le cri de joie, barre, tout t'attise pas, barre. Ma clique passe là, faut le cri de joie, barre, tout t'attise pas, barre, tout t'attise. Sors le bourbon, j'arrive. Non mais bourgeon de trêve. Je braque les fourgons de la brique. Savez-vous qu'on pèse tout. Barre, ma clique passe là, faut le cri de joie, barre, tout t'attise pas, barre. Ma clique passe là, faut le cri de joie, barre, tout t'attise pas, barre, tout t'attise. Retrouvez-moi sur Facebook, VALD, en caractère majuscule. Calme tout de suite. Sur Twitter, VLD-LD. Et sur Instagram, VLD Sullivan Collet. Vous m'aurez cherché. NQNT. Sur iTunes et Google Play. Ainsi que sur Amazon et Virgin Mobile. Et la baisse plus jamais. Disponible également en version physique sur le site VLD TV. C'est Vald, notre invité. Je crois qu'on a à peu près toutes les infos, Vald. Ouais, je pense qu'on pourrait les répéter. Ben, tu peux les répéter. Retrouvez-moi sur Facebook, VALD, la page officielle, n'est-ce pas? Ainsi que le Twitter VLD-LD et l'Instagram VLD Sullivan pour les meilleures photos, les meilleurs statuts et les meilleurs liens vidéo. Beaucoup de photos d'ailleurs, beaucoup de photos, beaucoup de dossiers. Beaucoup de photos, de statues. Et le compte Brazzer. Non, ça c'est personnel. Commence pas. C'est Val, notre invité. Ouais. Entre et 20 et 21, et je crois que tu vas être aussi en concert 2015. Un peu partout. Tout à fait, je vais être en concert. Si tu veux, j'ai des dates. Pour justement. Toi, si on peut en parler un instant. Parlons de ces dates-là, de cette tournée de Vald. Alors c'est bien simple. Le 23 janvier, je suis au Ferrailleur à Nantes, si ça vous intéresse. Bang. Le 14 février, je suis au Cap à Aulnay, si ça vous intéresse. Bang. À la maison. Aulnay-sous-Bois, si. Ça joue à domicile, là. 14 février, la Saint-Valentin, t'as compris. MC Valentin. Le 21 février, je suis au File 7, dans le 77, la famille. Si, si, là. Je suis au Canal 93, aussi à Bobigny. Le 7 mars, c'est Bobigny. Je me suis emmêlé les pinceaux parce que ça commençait par un B. Je suis à la Lune des Pirates le 13 mars, c'est à Amiens. Salut les copains d'Amiens. Le Noumatrouf à Mulhouse, dédicace à DF, j'espère qu'on se verra là-bas le 20 mars. Je suis à la MJC de Honnête à Honnête-le-Château le 28 mars. Ça n'arrête pas en mars. C'est bien parce qu'on n'était pas au courant de toutes ces dates. Ouais, non, mais je sens que le mars, ça va être un mois un peu pourri. À mars, tu vas découvrir des belles villes. Là, c'était Honnête-le-Château. Honnête-le-Château, ouais. Et le 15 avril à la Maroquinerie à Paris. Alors, j'en arrive. D'abord, le 9 avril au Grand Mix à Tourcoing. Mmh. Dédicace aux gens de Tourcoing. Appelé pour la Skyroulette. Il y a le 15 avril à Maroquinerie, les mecs. C'est là qu'on va foutre le zbeul. C'est à Paris, le 15 avril, je répète, le 15 avril à la Maroquinerie. Le 15 avril à la Maroquinerie. 2015. Ça, c'est terrible ce que tu dis. Ça veut dire que les autres dates, bon. Non, c'est pas ça. C'est de l'amour pour les autres dates. Hein, ça va être le même feu. Cependant, néanmoins, à Paris, c'est notre date en réalité. D'accord. C'est-à-dire les autres, c'est des plateaux et ceci et cela. On connaît le hip-hop. Mais Olney, je crois qu'il y a Joe Kizzy avec nous. D'accord. Ouais, il y a effectivement, il me semble qu'il y a Joke. Et je ne connais pas la date, malheureusement. Hein, mais c'est en mars. Il y a Al Capote qui fait son concert à la Boule Noire et nous serons avec lui et nous allons rigoler avec Al Capote. Rejoignez-nous. Ça va être bien drôle. C'est une bonne nouvelle. Ah ouais. Toutes les dates seront disponibles sur le Facebook de Val, bien évidemment. Évidemment. Sur VALD en majuscule sur Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre. Facebook.com/VALDTV Vald avec nous et l'album NQNT qui est dispo. On peut aller cliquer tout de suite si par exemple on est un coup de cœur là pour Val, faut pas attendre demain. Exactement, faut pas attendre. On peut attendre demain. Ouais, mais vaut mieux. Procrastination, jamais. Mais s'il y a quelqu'un qui a, je sais pas, s'il y a une urgence maintenant, il peut y aller demain. C'est pas grave s'il y va pas aujourd'hui. Rien n'est plus urgent que d'aller. Du moment qu'il y va, peu importe que quand. T'as des bons potes en fait, Val, c'est ça. Non. T'es bien entouré. Ouais, bien sûr. Tout dans le pragmatisme. Allez-y tout de suite, maintenant. Allez, c'est parti. Bon, on va revenir dans quelques minutes. 4,99€. Qu'est-ce qu'on mettra comme son, Val? Tu veux encore un morceau? Ah bah ouais, mais attends. Ah mais les frères. Attends, on va le saigner l'album. Hein. Écoutez, je pense qu'on pourrait mettre pour rigoler Shoot un ministre. Je pense qu'on peut bien rigoler. C'est un morceau. C'est vrai qu'on beaucoup de gens s'y sont connus avec ce morceau. Hein. Ça fait partie des morceaux cultes de Vald. Tout à fait. Mmh. Ouais. Il y a un clip, il y a des images qui vont avec. Ouais, effectivement, ouais, il y a le clip sur YouTube. Voilà, on peut. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne Vevo. On peut aller cliquer. Tout à fait. On frise les 200 millions de vues, je crois. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Et je rappelle que shooter un ministre n'est pas dangereux pour la santé, puisque c'est shooter avec un. Ah, c'est Fred de Sec qui le dit, on a un smartphone. Il y a certains trucs où il faut, c'est Fred qui le dit, c'est moi qui le dis. Un appareil photo. Shooter un appareil ministre photo. D'après Fred, c'est pas grave. Donc non. C'est bon. non, c'est pas grave avec l'appareil photo. Hein Fred l'a dit. Ah oui, shooter. Bien sûr. Fred l'a dit. Ce n'est pas grave. Il va pas tenir jusqu'à la fin de semaine. Je suis pas sûr qu'il. Brigade du CSA qui va l'attendre en bas et qui va l'embarquer. Hein. Il y a des nuits et tout, je vais dormir et je serai en forme. Quoi qu'il en soit, Shoot un ministre est un excellent morceau. On découvrira dans un instant, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est l'univers de Vald. Entre 20 et 21, le retour de Planet Rap, c'est après ça. Jusqu'à 21h, c'est Planet Rap, l'émission rap de référence. En premier sur Skyrock. Ce soir, Planet Rap Vald. You're listening to Skyrock. Comme toi. Vald a lui aussi choisi Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap avec Vald, notre invité toute la semaine. Le projet s'appelle NQNT. On découvre. Allez cliquer, allez découvrir Vald avec nous entre 20 et 21. Et ce morceau, maintenant, qui s'appelle Shoot un ministre. Ah, tu vois, regarde, on parle de ça, tu es censuré. Allô, ouais, tout à fait, ouais, c'est un excellent morceau, Shoot un ministre. Le son qui a fait d'ailleurs, qui a bossé avec toi, parce que je sais que t'as fait une prod dessus. Toi, aussi à titre personnel. Quoi? T'as pas bossé dessus, t'as pas fait de prod? Lui faire des prods? Non, j'ai pas fait de prod, moi je sais pas faire les notes. Quoi? Bah ouais, Smiley, c'est quoi? Ah oui, Smiley, oui, j'ai fait Smiley, effectivement. Mais j'estime que c'est pas une production. D'accord. Ouais, j'estime que c'est pas harmonique. C'est pas harmonique. Y a pas de c'est mélodie. Un essai. Ouais, non, c'est pas ça, c'est qu'il n'y a pas de mélodie en réalité, tu vois. Mmh. C'est de la douille. Mais j'aime les prods douillesques. Donc les autres producteurs qui sont pas douillesques sont. C'est Cory qui a fait Shoot un ministre. Mmh. Cory a fait Shoot un ministre. Black Brown a fait Partoutatis. Succomblazadeh a fait C'est pour ainsi que CQFD. J'ai fait Smiley. BBP a fait tout le reste, excepté Sullivan et Aulnay Sous-Bois, où il était en coprod avec Dolor. De l'amour à tous ces beatmakers. Je vous vois tous. Et on écoute donc le morceau maintenant. Shoot un ministre, c'est Vald, notre invité cette semaine dans Planet Rap. Bang bang. Blau. Ouais. C'est pour tous les mecs au bord du gouffre, écrasés dans l'engrenage, frère. Hey. Je sais que ça fait longtemps, longtemps que tu penses à tuer des gens, que tu penses à brûler le banc, qui t'a rendu si méfiant, qui t'a fait des innocents. Histoire de passer le temps, je comprends que t'es la rage quand les rappeurs font que se masser le gland. Grande pustule, sens-tu que je tue, sens-tu que je tue, sens-tu que je tue.

j'ai un pote, il le kiffe à fond là. Et pas toi. Mais toi non. Ça me fait pas rire. C'est... Si, c'est vraiment moi. S'appelle comment ton pote? On va lui dédicacer le freestyle. C'est Nocil. Nocil, ok. Et bon, t'écoutes rapper, c'est pour Nocil, celui qui kiffe Vald. Voilà. C'est un bon Nocil. Allez, Kamikaze, c'est parti, session freestyle par téléphone. T'as une 30. Ok. Yeah. 1. Yeah. Yeah. 1. Dans ma tête, ça tourne, ouais. Comme un joueur entre des potes. J'ai cherché du taf, mais on m'a fermé toutes les portes. Je vis bien moins d'amour et d'eau fraîche depuis qu'elle m'a quitté. D'ailleurs, rajoute-moi du sky, j'ai envie de tout oublier. Je noie mes soucis dans l'alcool, ouais, comme tous ces bouffons. Mais ils remontent toujours à la surface, à croire que c'est le glaçon. Je suis froid comme la glace, avec un reflet meurtri. Des poches sous les yeux aussi grosses que les sachets des l'ordi. Sur l'ordi. J'ai tenté de retrouver l'amour, mais ici tout se paye même après plusieurs jours. Le temps passe mais n'efface jamais les cicatrices. Et tomber sur une meuf yam, t'inquiète mec, c'est qu'une actrice. Les dés sont pipés autant que les membres inférieurs. Aujourd'hui on dit s'il te plaît à l'aide du majeur. Oui, les mineurs eux n'ont plus aucun respect. Ils pourraient pécho ta sœur, comprends pourquoi ils t'appellent refrain. Et à force de tourner en rond, j'ai l'impression d'être un disque. J'ai toujours le même morceau qui me résonne, mais j'ai perdu le titre. En parlant de titre, j'ai gagné celui du mec le plus du père. Me demande pas, non. Moi-même, je sais pas où aller. J'ai plus de repères, l'impression d'avoir les yeux bandés. D'avance et je me casse la gueule comme un nouveau-né. J'ai envie de m'évader, mettre une patate dans la vitre. Le nez cassé à force de me prendre des patates par la vie. Les carreaux se marquent, éclatent les carotides. Et les minots jouent les macs en vendant des kilos de shit. Tu peux tomber dans le filet des stupes sur un coup de fil. Attends, mademoiselle Huc de cette bombe de fille. Les pensées sont malhonnêtes autant que ces politiciens. Tu n'es qu'une marionnette, un joli politicien. Ramasse les miettes pendant qu'eux mangent à leur faim. Rien que le prix d'une baguette en a calmé quelques-uns. Yeah. Ok, Kamikaze de Cholet à l'instant en freestyle. Bien, merci à toi, Kamikaze. Bah, de rien, ça fait plaisir. Ouais. J'ai bien aimé. Tu veux laisser ton adresse internet, où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, Kamikaze? Ouais, bah ouais, bah, moi j'ai un petit label, c'est VNM Records, et on peut le retrouver sur Facebook, donc VNM Records, VNM, plus loin, Records. Et une chaîne YouTube, sur YouTube. Et bah merci à toi, Kamikaze. Bah merci de à la vous. Force à toi, frère. Et on salue ton pote, donc fan de Vald, voilà. Contrairement à toi. si, j'aime bien quand même, mais c'est pas ma cam première. Voilà. Ça me touche un peu. Tu l'as déprimé, putain, merde. A plus, Kamikaze, ciao, passe une bonne soirée. Merci, vous aussi, à plus. On va passer au live dans un instant, Vald. C'est cool. Si tu veux bien, mais juste avant, on met encore un morceau de l'album. Je sais pas, moi. Bah, je te le dis. Un autre sommaire là. Bah ouais. Bah, mais donc. Ah. Le mais donc horrible. Difficile. Mais donc horrible, c'est bien horrible. Horrible, bah, j'aime bien. Horrible sur Skyrock, ça tue. Et bah, après ce freestyle horrible, c'est parfait. Ah ouais, ouais, ouais. Mettons horrible maintenant. Je trouve ça pas sérieux de. Oh, le petit coubain. Pas... Le petit coubain. Ouais, non, mais ça non, c'est. Non, c'est pour parler de du ressenti de Val. Mais non, le freestyle était vraiment très très bien en plus. La prod choisie. La prod était excellentissime. je crois que c'est politicien. Ça tue. Politicien, ça. Moi j'aime bien. Allez, on balance le morceau horrible maintenant. Val, notre invité toute la semaine dans Planète Rap. De l'or dès que je performe comme le premier médoc à base de pétrole. Je fais le mort, je sais que je serai le boss une fois sous terre. Là j'attends que les vers se forment. Heureusement que je suis pas claustro. Avec ma tête dans le cul, ça me ferait drôle, gros. Je fais pas de photo orange et beau iPhone. On m'apprécie sans me connaître façon Glory Hole. Face à Holly Olson et aux jolies cochonnes, je rêve parfois d'Hollywood. Personne n'a su me donner la foi, je suis là, c'est de croire en rien, enfin, je crois. Enfin, moi, je suis comme plein de poids, me lave avec un rince-doigt moite. Suffit d'une vidéo de Sora, l'Elodie m'a chute. Pour les infos le soir, oui, ouais, ouais. Le tiers monde peut nous voir affublé entièrement de marque. Comment l'assumer? hein, en se rendant compte que dans l'ombre on peut faire le mal. Il suffit juste de bien le camoufler. Quoique je pensais comme ça allait en quelque part. Un gramme dans l'encéphale, en apnée dans le décor. Si je rappe les bras des morts, ça te plaît, hein, c'est moche. Car je sais que ça te fait jouir quand c'est horrible. Quoique je pensais comme ça allait en quelque part. Un gramme dans l'encéphale, en apnée dans le décor. Si je rappe les bras des morts, ça te plaît, hein, c'est moche. Car je sais que ça te fait jouir quand c'est horrible. Comme j'ai pas de chat sous la bitch, je ferai mauvais genre à la télé d'où je viens. Y'a pas que la cheese pour nous désaltérer. Mais on prend que ça pour atterrir le semblant d'âme qui nous fait lever terre à terre. On ne s'intéresse jamais sans intérêt. Mais là j'essaie d'enterrer la partie de moi qui me fait rêver d'être à vie. Qu'on mastique ou que mon compte en banque est vert. T'es pas content, va saigner ou va contempler tes yeux. On se marre content les baisers. On racontera nos faisais, gestes à nos enfants pour qu'ils sachent tout qu'on fait. Que confus on a tout fait pour gonfler nos confiances. Que cloîtrés dans nos antres, on aime effrayer nos semblables. Si bien que personne n'ose entrer, on vit seul et on s'en vante. On vit seul et on s'invente des histoires. On grossit le trait pour qu'aucun traître paraisse dérisoire. C'est trop fashion d'avoir des ennemis. Faut qu'on se fâche, être amis, c'est trop générique. Quoique je pensais comme ça allait en départ. Un gramme dans l'encéphale, en apnée dans le décor. Si je rappe les bras des morts, ça te plaît, hein, c'est moche. Car je sais que ça te fait jouir quand c'est horrible. Quoique je pensais comme ça allait en départ. Un gramme dans l'encéphale, en apnée dans le décor. Si je rappe les bras des morts, ça te plaît, hein, c'est moche. Car je sais que ça te fait jouir quand c'est horrible. Oh oui, parlons des FAMAS ou des formes des femmes sur l'étalage. Ah oui, j'oubliais le final. La vie c'est comme une feuille à rouler quand tu meurs de faim. Horrible. BBP à la prod. Horrible. Oui. Léa Castel au cœur sur le refrain. À l'instant. Ah ouais. Ouais. On en apprend tous les jours. Ah ouais, de ouf. Ouais, non mais c'est bien, on fait de l'art quoi. C'est-à-dire, voilà, mortel. Merci à Vald en tout cas pour cette précision. Sympa, on en découvre bah ouais, sur l'album. Il y a d'autres surprises comme ça, d'autres. Ouais, j'ai fait un feat avec Comblazadé, ouais. Et le premier qui rappe, c'est Comblazadé, c'est pas moi. C'est vrai? Ouais. Et bon, on pourra le découvrir cette semaine. Chez moi, Fred, si je Comblazadé, c'est moi. Allez! Parce que je sens que t'as pas retenu les blases depuis. Si, je bats. Parce qu'on est mardi, là. On est mardi, déjà. Oh, non, mais là, c'est fou comme le temps passe vite. C'est fou comme le temps passe vite, c'est incroyable. Adé l'épicier pour ceux qui savent. Voilà. Seulement pour ceux qui savent. Ouais, ouais. Pour les autres aussi. Si vous voulez. Qui va filer à l'épicerie d'ailleurs parce... Oui, il est temps d'ouvrir, hein, j'ai envie de dire. On est prêt pour le live, Vald, ou on se casse maintenant? Alors dans le live, j'ai le droit de faire quoi du coup? Ce que tu veux. Ce que... Mais... Vas-y, ben, on se fait deux minutes. Te mets pas de limite. Combien de temps il reste-t-il? Je vous propose. Une bonne dizaine de minutes. Je vous propose de faire en live Vite Cochon. Mm-hmm. Parfait. Ainsi que Aulnay sous bois. Très bien. Je me dis que c'est une bonne idée. Aulnay sous bois n'a pas été fait. Et comme il y a ça clôt. Ouais, 10 minutes. Ouais, attends, regarde. Pardon, j'ai fermé. Mon... Non, mais je t'en prie, ouais, voilà. Je me dis que comme Aulnay sous bois, c'est le Tchékar, on va dédicacer tous les mecs du Tchékar, quoi. Direct, le 9-3. Si. Aulnay sous bois en précis. On attaque. On commence par quoi, le Vite Cochon? Allez, vas-y, on se fait Vite Cochon pour rigoler. Vald. C'est parti. C'est normal? Oui, c'est normal. Le 15 avril à la maroquinerie, prends tes places mon ami. Oui, la maroquinerie c'est bientôt. Si ta culture c'est le porc, no. Tu te détruis bouffe comme un porc. Gros, bande sur détruit, j'ai la bonne dose. A enfiler dans ton groin, viens enquiller dans mon coin. C'est la boucherie des gens vont. Tire un trait pour ta vie de cochon. Tire dans deux pour ta vie de cochon. Bouffe une queue pour ta vie de cochonne. Vide un verre, roule un terre. Appelle-moi vite cochon. C'est la fête. Oui. Mon dernier neurone s'est barré, j'ai fini le stock. Depuis que nous sommes séparés, je baise la nounou, c'est ma mêle. M'applaudis, c'est gravel, rap sa vie, bof. Alors je la monte sur l'étagère si j'amène mon pote Aristophe. Et que t'as une chatte, dis pas merci ma belle. Et attends l'épilogue, je bouffe comme un porc, fourre comme un pip. Tout ce qui m'importe, c'est pouvoir fourrer mes deux boules dans ta gorge fine. Ouais, les filles de joie si peu malines m'attendrissent. Je m'endors plus tranquille le soir. Où les vipères m'envahissent. Où je deviens parano. Fénétour l'antalgique. Où je t'envoie à la mort. Apparemment, si j'ai peu d'amis, c'est rien. Ça en fait moins partagé sur mon sbar qui s'éteint. Dans mon navire, j'ai plein de loisirs à foutre à l'eau. Mais dès lors, je coule à l'or. Si ta culture, c'est le porc. No, tu te détruis, bouffe comme un porc. Gros, bande sur détruit, j'ai la bonne dose. À enfiler dans ton coin, viens enquiller dans mon coin. C'est la boucherie des jambons. Cette génération m'a rendu malsain. Mat que j'ai 4 pinces dans l'esprit quand j'en tape 5. Tu v'là le punk, oui. Je vais méditer quand t'auras besoin. J'écoute tes problèmes dont j'ai pas besoin, c'est vérifié. On parle de rien sauf de drogue, de corps qu'on mutile, de bord dans les loges, bon, gang de musique. Et c'est con, je te l'accorde, je l'avoue tristement. C'est pas l'homme qui prend la tise, non, la tise le prend. On pactise le vendredi soir avec les portes, jusqu'au vendredi d'après, tant que la zeb est bonne. Mes super junkies narguent le démon, vite comme une bulle d'air meurtrie par le béton. Et je vais pas me lever tôt, mais ça tu le savais déjà. Toujours à chasse et des chats, tu grondais par le béton. Ok, la corde au cou, les vivants pleurent beaucoup, mais est-ce que les morts roucoulent? Si la culture c'est le port, no, tu te détruis, bouffe comme un porc. Gros, bande sur détruit, j'ai la bonne. Donc, à enfiler dans ton coin, viens enquiller dans mon coin. C'est la boucherie des jambons. Tire un trait pour ta vie de cochon. Tire. Tire-en deux pour ta vie de cochon. Bouffe. Bouffe une queue pour ta vie de cochonne. Vide un verre, roule un terre. Appelle-moi vite cochon. Non, je veux pas vous vexer. Vexer moral, sexe, c'est dommage de s'excuser d'être un excellent schlag. Cesse de penser que c'est bon tant que tu prends pas de cesse. Fais ce que tu penses être bon, mais surtout ferme tes. Non, je veux pas vous vexer. Vexer moral, sexe, c'est dommage de s'excuser d'être un excellent schlag. Cesse de penser que c'est bon tant que tu prends pas de cesse. Fais ce que tu penses être bon, mais surtout ferme tes fesses. Bébé perd la prod, le clip est disponible. IPH, le clip est disponible et frère. Le meilleur clip de l'année. Yo, si ta culture c'est le porc. No, tu te détruis, bouffe comme un porc. Gros, bande sur détruit, j'ai la bonne dose. À enfiler dans ton coin, viens enquiller dans mon coin. C'est la boucherie des jambons. Tire un trait pour ta vie de cochon. Tire. Tire dans deux pour ta vie de cochon. Bouffe. Bouffe une queue pour ta vie de cochonne. Vide un verre, roule un terre. Appelle-moi vie de cochon. Bitch. Ok, ouais. Si vous voulez, on enchaîne tout de suite avec Aulnay sous Boisère. Ce morceau est bien. Passons au deuxième. Je peux dire que presque tous ces gamins ont des noms qui vous en mettent plein la vue. Ils se prennent tous pour des lures. C'est de la frime, juste une bande de branleurs. Mon quartier fait trembler la province. Les histoires de drogue, ça fait danser les gros seins. Mais c'est pas négociable. Si tu galères au sein de l'arène, t'auras pas de McLaren. Juste des traces et des molars bruts. Hey, regarde les graves, c'est les beaux-arts qui décorent le chantier pendant qu'un frère au calme. Entre autres, enchaîne tous ces allées au star. Traîne autour sans gêne, fini d'apeurer vos chats. C'est moche, mais c'est pas la majorité des gosses. J'paierai pas pour eux, j'ai d'autres mecs à horrifier. Rien à prendre les détaillés pour m'acheter vos chocs. Là, tu comprends que j'ai tout à faire aux chiottes. Note. Tout le quartier s'est dégradé, les années passent. Les schlags sont comme des moustiques, les tours, les marécages. Ils piquent et planent sans l'éviter. Et je t'expliquerai pas que personne peut les virer. Mais nique sa mère, on les côtoie sans les imiter. Frère, je vais pas nourrir la légende sur les initiés au vol, aux drogues, aux troques d'âme contre un bout de shit. Ou au glock braqué dans ta bouche, nique vos morts. Ce mal est nécessaire pour comprendre que glorifier la merde, c'est nocif. Mon grand, le mécanisme a commencé. J'enculé, les Kaira, les calmer, acclamer, les calmer comme un comme mon clan. C'est pas les plus ennuyeux, je te rassure. C'est qu'on parle d'autre chose que de l'actu de la rue. Poto, y'a des dalpés aux valeurs éparpillées. Mais je l'admets, rien de tel que représenter le quartier de sa mère. On est sous bois BER, Emile Zolaté. On est sous bois BER. On est sous bois BER. On est sud, on est nord, poto. Tous les Olmésiens. D'un 11e étage, descend que son âme déménagé. Certains jeunes ici sont fascinants. Rêvent d'être un gravillon dans l'engrenage des bâtiments. Car c'est la honte d'être un gosse des pavillons. Quasiment, alors ils montrent qu'ils sont pas mignons. En s'agitant, tente le racket, le deal. Même les baskets le disent. La rue à l'aide, le vice. Excite ses partisans, mes fils, t'as pas raison. Nique ta mère, petit faguette, continue. Si t'adhères à Israël, pauvre con. Tu fais la même chose que quand tu bolosses une vieille avec tes frères colons. Eh, c'est quoi le blême pro? Foutre la merde, c'est ton cri de détresse. Abruti, t'es le cafard qui s'est pris le système. J'hallucine. Éteins si tu vois pas la propagande à la télé. Qui adore que t'es la mort à vendre. Je t'emmerde. Je dédicace les frères qui rament en vrai. Les airs si graves sur les visages. En bref, les autres putes sont dérisoires. Tout le monde touche. On est sous bois BER. On est sous bois BER. Devant tout le monde. On est sous bois BER. quand je parle de cul dans mes textes. Je reste un homme, ma gueule, qui aime les gourdasses. Et je mets du sens derrière chaque verset. Des mineurs, j'exige 4 feuilles de rédac pour m'baquer. Ouais, faut qu'on sache que NQNT peut être vérifié. C'est guerre de la haine récupérée. Sérieux, je suis dans le thème quand je dis que ça n'a pas de sens. Quand on sonne à ta porte parce que brûle un 50cc sur le palier, mais que le gardien joue, lance des pétards. Ouais, c'est ça le 15 août. Et comme le Tamien tourne, certains gamins boutent plus. Ça devient cool de se dire foutu. Agissant dans les vices des alentours, et l'Odyssée avance pour ça, enquête de châtiment. Enquête de châtiment. Dolor à la prod. On est sous bois vert. On est sous bois vert. C'est qu'on blase V-A-L-D-1. Pour tous les gens normaux de Aulnay sous bois, les frères. Je lance un boycott. Un boycott de quoi? De toutes les Kaira qui le font exprès. Non, ils sont tous normaux. On est tous normaux. On est tous normaux. Ouais, normaux mais déviants. Il y en a qui sont déviants. On est tous normaux. À l'instant en live, c'était Vald sur Skyrock avec deux extraits de NQNT, dont le Aulnay sous bois et Vite Cochon, qu'on a pu écouter à l'instant en live. Ouais. Ça va Val? T'as pas l'air bien là? Oh non, si ça va. Bah, c'est le morceau, ça l'a ému. Ah ouais, c'est... Ça l'a ému. Tu vois, du coup, il a la larmiche. Non, ouais, j'ai mis ses lunettes de soleil, ouais, tout ouais. Ça. Genre, Non, c'est bon, c'est bon. Un moment d'émotion intense. Voilà, c'est ça. Et pour le retrouver d'ailleurs, ce morceau en live, il y a une grosse tournée avec toi en 2015. Tout à fait, je sais pas si je peux rappeler les dates, mais on en a beaucoup. Profitons-en de rappeler les dates avant de faire tourner la roulette d'ici quelques minutes. Alors écoutez, je vais vous rappeler les dates. On est le 23 janvier à Nantes, le 14 au Cap à Aulnay, le 14 février, pardon, le 21 février à Manila, Gros File 7. Le 7 mars, on est au Canal 93, Bobby. Le 13 mars, on est à la Lune des Pirates à Amiens. Le 20 mars, on est à Nomatrouf à Mulhouse. Le 28 mars, on est à la MIMJC Honnête à Honnête-le-Château. Le 9 avril, on est au Grand Mix de Tourcoing. Et le 15 avril, on est à Paris, à la Maroquinerie. Ça va chier, ça. T'aurais pu le faire un peu plus lentement. Ouais, mais... Parce que là, franchement... On le répète tous les jours, de toute manière. Eh bien, on le répétera demain, une fois de plus, puisque tu seras de retour normalement entre 20h et 21h avec le projet de Vald à découvrir. Pas de soucis, pas de soucis. Et avant de se quitter, on fait tourner la roulette. Allez, vas-y. Skyrock t'offre une Citroën C1 d'une valeur de 10 000 euros, des fringues Watibé, plus l'intégrale du Watibé en CD. Merry Christmas. Eva de Montpellier, comment ça va Eva? Hello, ça va super, merci. Je te présente Vald, c'est notre invité toute la semaine, tous les soirs. Salut Vald. Bien le bonsoir. Eva de Montpellier, tu passes là par Montpellier? D'ailleurs. Oui, effectivement, on n'a pas de date de prévu. Qu'est-ce qui se passe? Bah, faut voir ça avec les tourneurs, avec les salles, les frères. Bon, bah Montpellier, hein, cette semaine. On a des super salles à Montpellier. Ouais, bien, ouais apparemment. Eva t'attend. Eh ben, j'arrive. Espérons qu'elle soit pas la seule. Je suis pas la seule, ça. Hein. Bah, ou alors, vous allez directement faire le. Un groupe si tu veux. Hein. Y'a pas de soucis. Hein. Faire le concert chez elle directement aussi. Bon lourd, lourd. Prête à faire tourner la roulette, on y va, Eva? Oui. Allez, c'est parti. Stop. C'était un des meilleurs stops. Ah ouais. De toute l'histoire de Skyrock. De l'année 2014. Ça s'achève dans quelques jours. Et 2015. Eh bah pour toi la totale Watibé avec t-shirt, casquette et attention, regarde ta petite fiche, je la plie et la mets dans l'urne, dans le Bob Skyrock, puisque le 5 janvier, tirage au sort chez Diffoul le matin entre 6h et 9h pour repartir avec la Citroën C1 d'une valeur de 10 000 euros. Ouais, donc on croise les doigts pour toi Eva, ce sera peut-être toi. Tu te souviendras je vais de ce moment. Serge. Ah bah, même deux là. C'est clair. N'hésite pas. C'est clair. On te fait un bisou, merci Eva. Merci beaucoup. Allez, gros bisous. Allez, passe de bonnes fêtes. À très bientôt, merci, Eva. Ciao, aussi. Ciao. Demain soir, ce sera réveillon avec Vald. On va réveillonner ici. Si. Ce t'en as de la chance. C'est de la chance, hein, Vald. For real. Tu vois, petit cadeau sous le sapin. Ceux qui préfèrent Vald à leur famille, je le saurai là. Ce qu'ils ont à faire. Oui, ceux qui seront, voilà, ceux qui seront seuls, ceux qui, même en famille d'ailleurs, sûr, je pense que ce sera demain une émission familiale. Je suis pas sûr. Nous accompagnons les âmes abandonnées. Je pense pas que tu puisses écouter du Vald en famille. T'es sûr? Mais pourquoi pas? On peut tenter. Attends, parce que généralement, quand tu commences 20h, tu commences déjà, t'es un peu allumé, hein, le 24 décembre. 20h, c'est tôt quand même. Hein. Oh, t'es déjà en PF. Hein. 20h, c'est tôt. Ah, 20h, 24 décembre. Ouais, bon. Ça dépend des familles, mais tu peux commencer à être pas mal. Pourquoi pas? Donc je pense que demain avec Vald, entre 20 et 21, réveillon. Ça sera le feu. Du 24 décembre. On va rigoler. On va faire un méga freestyle pour demain. Eh bah parfait, ce sera pas loupé entre 20 et 21. Merci pour cette soirée, merci à vous messieurs. J'ose prie, à très bientôt, merci de nous avoir reçus. Et ça nous allons retrouver Diffoul et toute l'équipe maintenant sur Skyrock. C'est parti pour la radio.